Un espace de création affranchi des codes, l'expérience. Aurélie Charron. L'expérience lance son premier podcast original en 3 épisodes, Les enfants de Duras. Léa Capuano a retrouvé ceux qui avaient 6 ans en 1967 et qui avaient répondu aux questions de Marguerite Duras pour l'émission Comme il vous plaira sur France Culture. Un demi-siècle plus tard, ils se retrouvent dans leur école rue Saint-Benoît à Paris et re-répondent aux questions. Est-ce que tu voudrais être grande ? Il n'y a pas des choses comme ça qui t'étonnent ? Les enfants de Duras, le premier podcast original de l'expérience, à télécharger sur franceculture.fr et les plateformes de podcast. Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, Quelque chose en nous du romantisme, une série d'Élise Andrieux réalisée par Véronique Samouilov. Au départ de cette série, il y a de grands sentiments et de grands paysages, et puis l'éblouissement des premières pages des Confessions d'un enfant du siècle. Et enfin, le plaisir coupable que l'on a parfois à se rouler dans le désespoir parce que c'est tellement beau. Et cette question, qui était le premier romantique ? Alors pour commencer, les personnages. Rousseau qui se met en scène, une autrice ancienne romantique, un professeur de littérature qui fait le lien, un pêcheur-chercheur, un musicologue professeur de lettres, un musicien amoureux, une bande d'artistes, un jardinier qui écrit, une conservatrice habitée et un poète qui sonne la fin d'une époque. Ensuite, le décor. Un tombeau vide, un jardin pour rêver, Ermenonville, une nature idéale, des promenades, la fidélité à l'adolescence, une jeune république, une promenade en barque, les Alpes suisses, le désir de changer le monde, le chant du rossignol et du pathétique. Aujourd'hui, premier épisode, on marche dans les herbes. Alors là, on ne sait pas ce qu'on va avoir sous les yeux dans ce parc d'Ermenonville. On a le petit peu de végétation, on a des arbres, de la prairie, disons, et puis un petit cours d'eau. Mais c'est après que les choses se découvrent. Donc on va avancer. Tous ceux qui ont été comme fécondés par Rousseau à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe venaient ici, en pèlerinage. Alors évidemment, c'est renforcé par l'idée qu'il y a le tombeau de Rousseau, hein, à l'île aux Peupliers. Un tombeau qui est vide. Mais enfin, ça fait rien. C'est comme s'il était là. Je suis l'homme romantique. Je suis né à l'aube des grands régimes démocratiques, dès le XVIIIe siècle en Europe. Je me suis mis en route pour écouter la voix du cœur que je sens en moi depuis le fond des âges et que le classicisme a étouffé. Je goûte aux délices du sentiment, là où régnait la raison. Je contemple, je ressens, je m'enfuis, je m'élève et je me tourne vers la nature qui me berce. On a oublié un peu l'importance de Rousseau pour beaucoup de lecteurs. C'est l'homme des rêveries du promeneur solitaire. Rousseau a tout inventé. Il a tout compris. Je suis l'homme romantique. Et je me mets en marche sous le grand ciel, au bord des fleuves, dans les forêts profondes. Je suis un des pères du romantisme. Chateaubriand, Beethoven, Goya. Je suis aussi Jean-Jacques Rousseau. Et je marche à Ermenonville, où j'ai passé mes derniers jours, dans un jardin créé par le marquis de Girardin. Un petit paysage harmonieux composé de points d'eau, de panoramas à différents étages et de chemins propices à la contemplation. Il s'agit d'atteindre l'hôtel à la rêverie. Hein ? Donc on atteint cet hôtel. Vous voyez la petite île des peupliers qui abritait La tombe de Rousseau, le cénotaphe. Les arbrisseaux, les plantes, sont la parure et le vêtement de la terre. Rien n'est si triste que l'aspect d'une campagne nue et pelée qui n'étale aux yeux que des pierres, du limon et des sables. Mais vivifiée par la nature et revêtue de sa robe de noces au milieu du cours des eaux et du chant des oiseaux, la terre offre à l'homme, dans l'harmonie de trois règnes, un spectacle plein de vie, d'intérêt et de charme. Le seul spectacle au monde dont ses yeux et son cœur ne se lassent jamais. Quelque chose en nous du romantisme. Contempler la nature. Un documentaire d'Élise Andrieux et Véronique Samouilov. Quand j'avais 16-17 ans, j'étais fondamentalement romantique. Je me moquais un peu de Chateaubriand. Levez-vous vite, orage désiré, mais quand on a 14-15 ans, qu'on marche comme ça dans la campagne, c'est exactement, on se sent porté, on se sent soulevé, on se sent en état de communion avec la nature. Je m'appelle Marianne Alphand, mais vous pouvez m'appeler Marianne si vous voulez. Et Rousseau m'a accompagnée toute ma vie, toujours, toujours. Les rêveries du promeneur solitaire, c'est absolument magique. La rêverie, c'est un... C'est la chose la plus naturelle du monde, non ? On s'arrête et on regarde. Et on part. C'est une expérience de dédoublement. C'est un moment de... Comment dire ? De décollement. Mais tout le monde a ça. Vous l'avez ? Tout le monde l'a. Nous arrivons à l'endroit qui est peut-être où il peut commencer la rêverie. Plus un contemplateur a l'âme sensible, plus il se livre aux extases qui excitent en lui cet accord. Une rêverie douce et profonde s'empare alors de ses sens. Il se perd avec une délicieuse ivresse dans l'immensité de ce beau système avec lequel ils se sont identifiés. Alors, tous les objets particuliers lui échappent. Il ne voit et ne sent rien que dans le tout. Pour le romantique, la nature, c'est Dieu. C'est-à-dire que l'idéal qui régit le monde matériel, il se manifeste à travers la nature. Donc c'est le romantisme qui fait de la nature une sorte de réalité totale, animée, où se trouve la spiritualité. Ah, est-ce qu'il ne serait pas là-bas, l'hôtel à la rêverie ? Je crois qu'il est là-bas, en contrebas. Rousseau est une porte d'entrée indispensable pour comprendre le romantisme francophone en particulier. Il utilise le mot romantique dans les rêveries du promeneur solitaire, et il est aussi un des premiers à avoir compris que la beauté d'un paysage, ce n'est pas ce que l'on voit, mais ce qui existe au-delà du paysage. Pourquoi les peintres romantiques sont les plus extraordinaires paysagistes ? C'est que les peintres romantiques comprennent que ce qu'ils faut peindre, c'est non pas le visible, mais l'invisible. Eh bien, la pensée rousseauiste est aussi liée à une sensibilité à la nature qui, effectivement, retrouve une des lignes de force du romantisme. Donc, où est-il ? Nous sommes là. Donc là, nous allons. C'est là, non ? Non, c'est pas celui-là. Ah, c'est pas ça ? Non. Il y a écrit à la rêverie dessus. attendez. Là, nous venons d'ici, hein. Nous avons suivi ce chemin-là. Voilà. C'est voilà. 14. Donc là, nous allons continuer. Ah bon, on va retomber devant. Voilà. On l'a pas vu. On va arriver devant. Je m'appelle Alain Vaillon, je suis ma fonction professeur de littérature française dans cette université où nous sommes, l'université Paris-Nanterre. Le mot romantique vient d'Angleterre. C'est un mot qui vient de l'histoire de l'art. Est romantique un tableau qui présente des paysages ressemblant à ceux que l'on trouve dans les romans du Moyen-Âge. C'est-à-dire des paysages un petit peu pittoresque, avec des châteaux, avec des forêts profondes, etc. C'est ça le romantisme, au début. Et à partir de cet usage assez restreint, romantique étant presque un synonyme de pittoresque, il va se déplacer dans le monde germanique et va se nourrir cette fois de cette profondeur philosophique, métaphysique. À savoir que le romantisme devient ce désir de synthèse entre le monde sensible et le monde intelligible. Il acquiert une valeur philosophique par opposition au classicisme français. Parce que à cette époque, on est au XVIIIe siècle, la France est par excellence le pays et la culture contre lesquels se construit le romantisme. La France, c'est le classicisme, la raison, l'ordre, le refus du sentiment, etc. Et donc le romantisme est une sorte de réaction européenne contre l'impérialisme culturel du classicisme français. Alors, on va s'approcher de cette colonne, je ne sais pas comment l'appeler, petite colonne courte. J'adore cet endroit, j'adore cette colonne que j'ai photographiée je ne sais combien de fois. Vous voyez, c'est gravé comme ça sur le côté, à la rêverie. Petite colonne comme ça qui n'a l'air de rien, avec une base et un petit chapiteau plat. C'est un objet insolite, hein ? Une petite pierre. Qu'est-ce que ça fait là, hein ? On peut se dire. C'est devant rien. C'est comme ça, une espèce de station mystérieuse. C'est là pour rien. Comme la rêverie. Je trouve ça merveilleux. Passion pour ce petit endroit. On peut toujours lire ici un passage des rêveries du promeneur solitaire. Dans la 7e promenade, Rousseau oppose la pensée, la réflexion et la rêverie. J'ai pensé quelquefois assez profondément, mais rarement avec plaisir, presque toujours contre mon gré et comme par force. La rêverie me délasse et m'amuse. La réflexion me fatigue et m'attriste. Penser fut toujours pour moi une occupation pénible et sans charme. Quelquefois mes rêveries finissent par la méditation, mais plus souvent mes méditations finissent par la rêverie, et durant ces égarements, mon âme erre et plane dans l'univers sur les ailes de l'imagination, dans des extases qui passent toute autre jouissance. Voilà, planer. Planer, c'est ça, hein ? Des égarements. Mais qu'est-ce que Rousseau a apporté au romantique ? Une certaine idée, je pense, de l'importance de l'individu. D'ailleurs, dans le contrat social, il pense la relation de l'individu au corps social. Et il en parle d'une manière fondamentale. Mais quand il écrit les confessions, il entreprend quelque chose, il entreprend de parler de lui à la première personne. Bon, ça évidemment, ça a été fondamental pour les romantiques. Mais ce qui leur apporte en plus, c'est très certainement l'importance de la sensibilité. Le fait que la sensibilité est plus importante, peut-être, que la pensée. Le romantisme, c'est vouloir que l'idéal s'impose au réel. Et croire que le réel a besoin d'idéal. Pourquoi est-ce que vous, c'est le romantisme qui vous a happé, Alain Vaillant ? Oh, d'abord, je pense que ça vient de l'adolescence. Hein. C'est le hasard des lectures. Alors voilà, je pense que le romantisme pour un jeune adolescent, c'est ce désir de réaliser d'une certaine manière une forme d'idéal que tout adolescent porte en lui. Alors c'est l'idéal politique, c'est l'idéal spirituel, c'est l'idéal sentimental, beaucoup bien sûr. Et oui, c'est la part d'exigence adolescente que probablement au moins à une certaine époque tout le monde portait en lui. Et puis c'est aussi l'adolescence de nos sociétés occidentales que ce romantisme. Et au fond, c'est cette phase dans l'histoire européenne qui précède l'établissement des démocraties parlementaires, et c'est le moment culturel où l'on voit les sociétés et les élites aussi, bouger pour commencer à cristalliser des revendications politiques en les manifestant sur le terrain de la littérature, de l'art, de la religion. Mais le fond est un fond essentiellement social et politique. Ce qui va être un événement absolument cataclysmique en France, c'est la Révolution française. C'est la Révolution française qui, paradoxalement, va devenir, je dirais, l'incarnation politique du romantisme, de façon extrêmement brutale, extrêmement forte, parce que, en quelques années, on abolit le système d'Ancien Régime, et on met sur place un mode d'existence politique qui réalise à grande échelle ce que le romantisme porte en lui, au niveau simplement individuel. La Révolution, c'est penser que l'on peut, par une accélération des processus historiques, trouver un compromis entre la pesanteur des réalités sociales, économiques, politiques, qui est lourde, qui est pesante, et d'autre part, l'idéal que l'on porte en soi. Et pour que l'idéal arrive à surmonter la pesanteur du réel, il faut une révolution. Et on peut dire de façon extrêmement simple, mais je crois historiquement juste, qui dit révolution dit romantisme. Rousseau dit que là où il a été le plus heureux de sa vie, c'est quand il est dans l'île Saint-Pierre. Au moment où il s'installe, il essaye de s'installer en Suisse, et puis, comme toujours, il est victime d'agressions, de persécutions, etc. Et là, il se met dans certaines situations propices à la rêverie, et donc notamment sur l'eau. Donc il prend une barque, sans ramer, hein, en se laissant porter. C'est ça la rêverie, hein, c'est se laisser porter. Et faire ce qu'il faut pour se laisser porter. Beaucoup le. Il y a un bateau là qui passe, une péniche, qui a l'air de transporter du sable, vraiment très plate. Avec un petit drapeau blanc à l'avant. Ce que je trouve très agréable là, c'est de à la fois d'entendre la façon dont les vagues doucement diminuent et s'éteignent, et en même temps que le bateau, le bruit du bateau doucement s'éloigne. Il y a quelque chose de. Comme une attention à, je sais pas, tous les sens. Mais c'est arrivé à percevoir chaque événement. Là, je sais pas, il y avait les. Sur le bateau, il y avait les drapeaux. Des espèces de petits fanions qui ont leur rythme. Puis il y a le rythme de l'eau qui est derrière le bateau, qui est repoussé par les moteurs. C'est pas le même rythme, mais ensemble, ça forme quand même une unité. Là, ça crée un peu cet effet hypnotique qui fait qu'au bord de l'eau, moi, je sens quelque chose de mon regard qui se met à glisser comme ça, au fil de l'eau. Et puis il y a un beau rayon de soleil dans les yeux. Donc tu lances le bouchon relativement loin, tu vois, il faut s'assurer que le bouchon il flotte bien, c'est-à-dire si jamais il est à l'horizontale, ça veut dire que l'hameçon touche le fond. Donc c'est pas bon. Et puis voilà. Puis là t'attends. Puis t'espères. Puis je profite du soleil, de la lumière, des reflets dans l'eau. Je m'appelle Augustin. Je suis doctorant à l'Université Paris 8. Je travaille sur la poésie du 19e et la poésie contemporaine. Et pêcheur, à temps perdu. Souvent, moi, ça m'arrive. Là, par exemple, je pourrais regarder là, l'eau. Puis à un moment, me dire « Ah, mais j'ai pas pensé à regarder l'heure qu'il était. J'ai oublié l'heure qu'il était. » Et il y a quelque chose où on oublie un peu. Pourquoi on est là ? Parce que la contemplation, c'est pas une action. Sur le moment, on pèse pas grand chose, on creuse pas forcément grand chose, on juste en éprouve quelque chose d'une accalmie. Voilà. Un peu comme du vent qui souffle un peu sur l'eau. Ça fait des petites risées comme ça. Je sais pas si vous avez entendu, mais parce que c'est ça la contemplation, il y a du silence. Donc quand il y a un événement sonore, il est mis en relief. Et deux trains qui passent à la suite n'ont pas le même rythme. Il n'y a pas un rythme de train. Et la contemplation invite à, je sais pas, chercher des petites distinctions comme ça, des petites subtilités, des petits écarts. Les bateaux qui passent, le son, les choses qui se répètent, les vagues. C'est tout le temps les mêmes choses qui se répètent. Il n'y a pas de grand événement, c'est pas une révolution, c'est pas une révélation même. C'est même pas de cet ordre-là, moi. C'est quelque chose d'un espèce de long temps continu qui presque ne tient qu'à un fil, mais un fil qui se casse jamais. C'est vrai que j'aime beaucoup Rousseau et les rêveries du promeneur solitaire. Donc je sais pas si ce serait mon livre de chevet pour la contemplation. Mais j'ai un souvenir, oui, d'un passage où juste il est en train de marcher et j'avais le sentiment, en lisant ce texte, dans le rythme même des phrases, de retrouver quelque chose du rythme de la marche quand on contemple, et sentir dans Rousseau quelque chose que j'avais pas du tout senti avant, une forme de plénitude intérieure. Quand le lac agité ne me permettait pas la navigation, je passais mon après-midi à parcourir l'île en herborisant à droite et à gauche, m'asseyant tantôt dans les réduits les plus riants et les plus solitaires, pour y rêver à mon aise, tantôt sur les terrasses et les tertres, pour parcourir des yeux le superbe et ravissant coup d'œil du lac et de ses rivages couronnés d'un côté par des montagnes prochaines, et de l'autre élargie en riches et fertiles plaines dans lesquelles la vue s'étendait jusqu'aux montagnes bleuâtres, plus éloignées, qui la bornaient. Ça semble très révélateur d'un Rousseau, qui s'immerge entièrement dans le paysage. La dimension sonore du lac est essentielle, hein, les bruits du lac, le flux, le reflux de l'eau, ce mouvement, disons, des vagues presque imperceptibles sur le lac permet justement à l'imagination de s'évader complètement, hein, et de vivre une expérience qui est une expérience de vie fondamentale, enfin la conscience de son existence. Alors moi, je ne suis pas un romantique d'aujourd'hui, je suis en fait un universitaire partagé entre les lettres et la musique, mais j'enseigne la musicologie et je m'appelle Emmanuel Rebel. Et je pense bien sûr à Franz Liszt, qui est un grand compositeur romantique et qui a vécu un moment très particulier en 1835-1836, alors qu'il avait 24 ans. Il s'enfuit de Paris avec la comtesse d'Agoult, dont il est éperdument amoureux. La comtesse est mariée, mais ils vivent une histoire absolument incroyable. Et donc, pour fuir Paris, parce que Marie d'Agoult est enceinte, et évidemment, il faut cacher cet événement qui risque de faire vaciller le beau monde parisien, eh bien, ils vivent une sorte d'aventure très romanesque, au cœur des Alpes suisses, loin du monde. Et voilà, ils découvrent ces paysages en lisant Rousseau. Et Liszt a composé tout un recueil qui s'appelle L'album d'un voyageur, qui est une sorte de carnet de route en musique. Et parmi ces pièces, il y a le lac de Wallenstadt. Il faut les imaginer tous les deux sur leur barque, et Liszt écoutant ces bruits, un peu comme Rousseau sur les rives du lac de Bienne. Et c'est comme si le lac se faisait naturellement musique, et en écoutant les bruits de la nature, on vit une expérience qui est en fait une expérience artistique et presque philosophique. Le flux et reflux de cette eau, son bruit continu, mais renflé par intervalles frappant sans relâche mon oreille et mes yeux, suppléait au mouvement interne que la rêverie éteignait en moi, et suffisait pour me faire sentir avec plaisir mon existence, sans prendre la peine de penser. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et puis voilà, flux et reflux, il dit son bruit continu, c'est éprouver qu'il y a du continu dans la variation, et que... Ouais, je sais pas, je parlais par exemple d'une peine de cœur. C'est pas une peine de cœur, on a envie que le monde s'arrête là. Pas que l'amour, mais le monde. C'est un scandale que la vie continue quand on a le cœur brisé. Et brusquement, on voit que l'eau, elle change aussi, et qu'elle est continue. Et on se dit, bah, peut-être que dans même la peine de cœur, il y a quelque chose qui continue. Ça n'a pas mordu du tout. Non, pas du tout. Mais en même temps, c'est comme tout, hein. Si on veut pêcher et sortir du poisson, il faut entreprendre ce qui est nécessaire pour le faire. Et quand on contemple, on n'a pas trop envie. C'est ça qui est bien avec la pêche. On vient pour ne pas faire ce pour quoi on est venu. La contemplation, c'est une façon aussi d'essayer de calmer les émois. Et parfois, le tumulte, il est très violent. Et quand on sent un peu cet apaisement qui vient, pourquoi pas rester là, toujours, à se faire recouvrir par l'eau, et avoir toujours cette espèce de répétition des vagues. Pourquoi devoir retourner dans l'action? C'est la mort qui peut rentrer comme ça à l'intérieur. Et c'est là où, à trop rester plongé dans la contemplation, on s'abîme dans le néant, on devient soi-même abîme, quelque chose de cet ordre-là. Pour les romantiques, la nature, c'est un élément très ambivalent, en fait, parce que c'est à la fois une sorte de... c'est un lieu qui symbolise la pureté, l'idéal, loin du fracas des villes et de la civilisation, à une période où la révolution industrielle commence à se mettre en route et que justement les villes constituent un univers peut-être moins propice à l'imagination artistique que le ressourcement dans la nature. Et en même temps, la nature, pour les romantiques, elle est aussi parfois effrayante. Elle est aussi, il faut pas oublier le fait que c'est seulement à la fin du XVIIIe siècle qu'on fait la première ascension du Mont Blanc, par exemple. Parce que les hautes montagnes font peur. C'est un milieu dangereux. Les tempêtes en mer, ça existe, avec des naufrages qui sont terribles. Et donc, la nature permet aussi de prendre conscience pour les artistes de la finitude humaine et de la petitesse de l'homme face à la toute-puissance des éléments. Et c'est en fait l'expérience du sublime qui est possible dans la nature, c'est-à-dire le face-à-face avec ce qui dépasse l'homme radicalement. Peut-être qu'on pourrait écouter l'orage de la symphonie pastorale, parce que voilà un moment orchestral qui est tout à fait révélateur. On est dans une symphonie qui cherche à évoquer la nature, symphonie pastorale, et au cœur de cette symphonie, eh bien, survient un orage, et cet orage qui est évidemment en même temps un orage métaphorique, un orage du tourment intérieur, eh bien, on a vraiment là les instruments qui sont déchaînés pour la première fois. On est dans les toutes premières années du 19e siècle. Et je dirais que tous les successeurs de Beethoven, Schumann, Liszt, Berlioz, Wagner, vont retenir cette leçon de l'orchestre déchaîné. On ne sort pas indemne de cette musique, et je n'ose pas imaginer ce que les auditeurs de l'époque ont dû ressentir. Imaginez, ils avaient l'habitude de la musique de Mozart ou de Haydn, qui est quand même beaucoup plus polissée, beaucoup plus vraiment dans l'esprit lumière ou dans l'esprit classique de la politesse en musique. Or, Beethoven fait tout sauf de la musique polie. Il provoque, il bouscule les auditeurs avec ses contrastes extrêmement forts, avec cette puissance sonore qui est dû au fait qu'il utilise pour la première fois dans un orchestre symphonique des piccolos extrêmement stridents, des trombones puissants, et puis les timbales surtout, avec un rôle dramatique, les roulements de timbales qui peuvent figurer par exemple le roulement du tonnerre. La sonorité spécifique de la musique romantique par rapport aux décennies précédentes, c'est sans doute la puissance de la masse orchestrale. Et là, effectivement, on est secoué. Le romantisme aime les sujets sombres, et ce tableau de Durupt, Manfred et l'Esprit le montre, hein, avec ce personnage quasi possédé qui fait appel à la fée pour le sauver. Le sujet est pris chez Byron. Alors, on voit Manfred au centre, vêtu en costume de la Renaissance, très riche et très détaillé, avec ses lourds velours bordeaux, violets, ses ors. Et puis on voit sur cette table tous ses grimoires, ses parchemins, ses rouleaux. On ne voit pas vraiment ce qui est écrit dessus, mais on imagine des formules magiques. On est dans une ambiance très, très dramatique, très sombre. Il est dans son château isolé. On sent le côté maléfique. Enfin, il y a un goût pour une peinture extrêmement empâtée, enlevée, des sujets profondément dramatiques. Je crois que c'est vraiment le terme qui pourrait décrire toute cette période. C'est ce sens du drame. Ce goût pour l'instant suspendu, l'instant inquiétant. On est sur une scène de théâtre. On aime ces scènes où la hache va tomber, où la tête va être tranchée, mais on est juste avant. On est juste avant, on est dans ce moment de drame. En fait, ce que l'on cherche au théâtre, au moment où le drame romantique explose totalement, on le cherche également en peinture. Et il faut imaginer auteurs et peintres qui travaillent d'ailleurs ensemble. Je m'appelle Olivia Voisin, je suis directrice des musées d'Orléans. Je travaille sur le romantisme depuis un peu plus de 15 ans, sur tous ces liens entre la peinture, la littérature, le théâtre et la poésie, les cénacles, vraiment qui sont le cœur de toute cette recherche esthétique des années 1820-1830. Vous avez plongé vous-même dans le romantisme ? Ah, je crois que quand on ouvre la première page d'un livre de Walter Scott, on met les deux pieds dedans et on se laisse happer par toute cette génération. Nous voilà, je pense, dans le lieu où le romantisme vit de manière la plus vibrante aujourd'hui. C'est comme si le temps avait été suspendu. En tout cas, ce lieu qui a été complètement recréé dans les années 80, qui a été légué par les descendants d'Harry Schaeffer à la fin des années 70 à la ville de Paris pour en faire un musée, a été complètement reconstitué et redécoré par Jacques Garcia, qui a réussi ce morceau de bravoure de donner l'impression qu'en fait on a mis une cloche et que tout est resté comme en 1830. Ce côté très cocon, en fait, a été bien préservé. Toujours avec ces tonalités de rouge, de velours rouge qui sont vraiment typiques de cette période, mais également ces couleurs très profondes, ces bleus, ces gris, ce goût de l'intime. On a un sentiment vraiment d'être à cette période où Harry Schaeffer recevait dans cette maison absolument toutes les grandes figures romantiques, les musiciens, les auteurs, les chanteurs, les artistes. Enfin, c'est cette ambiance-là qu'on a au Musée de la vie romantique, cette familiarité avec une époque qui est loin derrière nous et qui pourtant est extrêmement vivante. Il faut imaginer une bande de jeunes qui a envie de révolutionner les arts. Ils ont 20 ans, ils sont pleins d'idées, ils sont pleins d'envie, et ils vont réussir leur coup, ils vont implanter le romantisme, une nouvelle esthétique romantique, en littérature, en peinture, au théâtre, partout, en musique. Il faut imaginer aller ensemble à la Bibliothèque Royale, ouvrir toutes les sources, aller vraiment chercher le petit détail, et puis en parler joyeusement, super, j'ai trouvé ça, c'est génial, on va pouvoir faire un tableau, et se précipiter ensemble dans l'atelier, et puis échanger, et le soir faire une grande fête où ils vont pouvoir danser, chanter, boire, et échanger sur la peinture et la littérature, et tout de suite Hugo est à côté, il va commencer un texte. Il faut imaginer cette émulation, c'est une foule joyeuse de jeunes qui après va être écrémée, c'est toujours pareil. Dans une école d'art, il y a énormément d'étudiants, et puis au fur et à mesure, les artistes qui restent sont peu nombreux. Il faut imaginer qu'en 1830, les choses n'étaient pas différentes. Mais on a toute cette joyeuse bande. Ils veulent changer le monde et ils y arrivent. En 1824, on a une première explosion. Boum, tout un groupe de jeunes peintres arrive avec des sujets nouveaux, tirés de la littérature, une manière de peindre nouvelle, un goût pour la narration vraiment très marqué, un goût aussi pour la violence, pour en tout cas une grande expressivité de la peinture, et qui va être d'autant plus marqué au salon de 1827 que tous ces jeunes peintres attendent depuis 3 ans de faire la démonstration de tout ce qu'ils ont pu apprendre. Et là où ils ont commencé dans des formats relativement petits au salon de 1824, ils vont étaler sur des grandes toiles de 5 mètres de haut tout leur savoir-faire. Et là, nous avons Harry Schaeffer qui va envoyer Femme sous Lyotte, Eugène de Verrières, La naissance d'Henri IV, Louis Boulanger, La mort de Mazeppa, Eugène Delacroix va continuer avec La mort de Sardanapale. Et on va avoir cette jeune génération qui, d'un coup, vint imposer le romantisme. Le romantisme, c'est ne pas renoncer au sensible. Au début, le romantisme est plutôt un romantisme d'exigence intellectuelle. Par opposition au rationalisme cartésien, le romantique pense que le devoir de l'intelligence, c'est d'aller vers le monde sensible et de comprendre à la fois les émotions que l'on éprouve et aussi le monde des réalités concrètes que l'on a autour de soi. Cela dit, ça ne suffit pas. Autrement, là, on tombe dans l'empirisme et c'est la philosophie anglaise du XVIIIe siècle. Le romantisme fait plus. Le romantisme dit l'intelligence, c'est manifester sa force en agissant sur le sensible, sur le réel. Le romantisme est fondamentalement fondé sur une philosophie de la volonté. D'où le romantisme politique, l'intelligence du politique, c'est pas de comprendre de politique, c'est de faire la révolution. D'où le romantisme en littérature, l'intelligence de l'écrivain n'est pas de comprendre ce que t'es une œuvre géniale, mais d'être génial, d'où le romantisme amoureux. L'intelligence amoureuse, c'est de réaliser un grand amour, et si on ne réalise pas, bien, on n'est pas un bon romantique, et ainsi de suite, vous comprenez. La littérature romantique m'a toujours passionné, m'a toujours inspiré, je pense, à la fois dans mon travail de jardinier et sans doute aussi quand j'écris. Et assez tôt, en fait, je m'appelle par exemple que j'ai lu L'Ode à un rossignol de John Keats quand j'avais 17 ou 18 ans, j'étais au lycée, et on étudiait la littérature anglaise, donc voilà, j'étais tombé sur ce poème qui m'a fortement impressionné. Vous savez qu'il y a des poèmes ou des textes, des tableaux, des musiques qui restent avec vous toute la vie. Et ça, c'est un de ces poèmes qui reste avec moi. Une sorte de petite éternité, toute proche, dans les frondaisons de l'arbre. Une musique presque immortelle. Ode à un rossignol de John Keats. Mon cœur souffre et la douleur engourdit mes sens, comme si j'avais bu d'un trait la ciguë ou quelque liquide opiacé, écoulé en un instant au fond du l'été. Ce n'est pas que j'envie ton heureux sort, mais plutôt que je me réjouis trop de ton bonheur, quand tu chantes, dryade de bois aux ailes légères, dont la mélodie d'un bosquet de hêtres verts et d'ombre infinie, l'été dans l'aise de ta gorge déployée. Oh, une gorgée de ce vin, rafraîchi dans les profondeurs de la terre, ce vin au goût de flore, de verte campagne, de danse, de chant provençal et de joie solaire. Oh, une coupe pleine du sud brûlant, pleine de la vraie hippocrène si rougissante, où brille le perle de bulles au bord de lèvres empourprées. Oh, que je boive et que je quitte le monde en secret pour disparaître avec toi dans la forêt obscure. Le jardinage n'a pas cette intensité de la poésie, mais c'est un peu comme ça quand même. Je suis Marco Martella et je suis ici jardinier, mais aussi écrivain. Et donc là, je regarde tout ce que j'ai planté. Ces derniers temps, on plante à l'automne, on plante aussi un peu en hiver quand il ne fait pas trop froid. Là, on est devant une aubépine. Regardez les baies des aubépines givrées avec ces petits rouges. C'est un des grands plaisirs de l'hiver, en fait, hein, de voir ces petits fruits qui persistent. Et dont les oiseaux se régalent, d'ailleurs, parce qu'en ce moment, il n'y a pas grand-chose à manger, alors que les mésanges, les moineaux. Regardez aussi, ça c'est très joli, c'est un cornus sanguin. Regardez ces branches, on dirait du corail. Ça met de la couleur en plein hiver, hein, dans la son jumeau juste en face. Ça fait une petite porte. C'est un peu la porte du jardin. Le moment de l'entrée dans un jardin est toujours un moment magique. Il y a quelque chose qui se passe. C'est un seuil qu'on franchit. Et je pense qu'on passe d'une réalité un peu plus ordinaire, plus prosaïque, à une autre dimension de la réalité, de l'être, de vie, je sais pas. Et ça, on le trouve déjà très fortement chez Rousseau, chez qui on trouve déjà très fortement, très clairement affirmé ce besoin de retrouver un lien, plus qu'un lien d'ailleurs. Il le dit très bien dans La Rêverie, dans la septième promenade. Quand il parle quand il va herboriser dans les forêts, il se laisse porter par la nature et il se fond dans la nature. Il fait partie de quelque chose de plus grand que lui, d'une vie qui dépasse la sienne. Il En fait, je commençais à jardiner quand j'étais enfant avec mon père. C'était à Rome. On avait un jardin qui n'était pas si petit que ça, avec un grand olivier, je me rappelle. Et en fait, pour être sincère, mon père me confiait les tâches les plus ingrates du jardin, c'est-à-dire arroser le jardin en été pendant 2 heures, ratisser les feuilles mortes, désherber les bordures, etc. Mais finalement, j'ai fini par aimer ces tâches. Alors, mon père était assez étonné, parce que c'est monotone, parce que c'est répétitif, parce que ça ne demande pas tellement de talent ou de créativité ou d'invention. Et moi, j'aimais bien, et encore aujourd'hui, j'aime beaucoup faire ça. Parce que les tâches répétitives, que ce soit l'arrosage, le désherbage, il y a un accord qui se fait entre le travail de main et le travail de la tête, de l'esprit, qui fait qu'on peut se laisser aller à la rêverie. Là, par exemple, là, voilà, on s'est penché, on regarde la terre de près, on la touche, et on se rend compte que dans ce petit carré, là, dans ces 20 cm carrés, là, il y a une variété incroyable de formes et qu'on pourrait vraiment passer du temps à regarder. Il y a différentes nuances de couleurs, de formes. Regardez comme les 4 feuilles de sont dessinées uniquement sur le bord, alors que le cœur est parfaitement vert, alors que ce brin d'herbe, voilà, regardez l'effet que ça fait, complètement différent. Bref, il y a une variété infinie, alors on peut passer par la contemplation du grand paysage jusqu'à l'infiniment petit. En réalité, voilà, pourquoi on fait tout ça d'ailleurs? Parce que je me suis posé la question, pourquoi je fais ça? Pourquoi jardiner? Pourquoi passer tout ce temps dans un jardin? Mais il y a ces moments qui sont des moments presque de récompense, mais c'est plus que ça en fait. C'est des moments de vraie joie, de joie profonde. On revient au monde, on fait partie de quelque chose de plus grand et c'est un bonheur profond. Contempler, c'est se laisser aller, se perdre un peu dans le monde, tout en restant soi-même. D'entrer dans l'atelier d'Harry Schaeffer. C'est là qu'il recevait, c'est là qu'il peignait surtout. Ça a été un lieu de grande vie, dans une salle qui sert aujourd'hui toujours pour les concerts. D'ailleurs, le piano trône au centre de la pièce. On imagine tout de suite Liszt ou éventuellement Chopin qui ont joué juste derrière nous. Là, c'est un tableau qui a été acquis récemment. Le Larmoyeur, qui a été un de ses grands succès. On retrouve tous les ingrédients essentiels, hein, des armures, des larmes, du drame, des détails. Le public, dans ces années-là, aime assister, d'ailleurs on n'a peut-être pas beaucoup changé, aime assister à des scènes extrêmement dramatiques. Aime avoir ce sentiment de cœur serré, aime pleurer au théâtre, aime frissonner et aime en peinture retrouver ces sentiments-là. On est dans un drame très intime, hein, un père qui pleure sa fille morte et je crois que ce goût du format, du grand format, est intimement lié à cette recherche permanente que le public peut avoir de la sensation. Plus l'artiste, quel qu'il soit, va réussir à tisser un lien intime entre son sujet et le spectateur, plus l'empathie sera grande et plus le ressenti sera immense. Il n'y a pas de période où on aura plus aimé les sujets terribles avec des orphelins, avec des personnes mourant dans la rue, souffrant. On a une explosion du sujet vraiment pathétique et dramatique, sans précédent. Si on commence à compter dans les livrets de salon des années 1830 le nombre de sculpteurs ou de peintres ou de lithographes qui ont représenté des scènes de mère avec leur enfant mort dans les bras, on n'en finit plus, on en a des centaines. C'est un sujet phare et cathartique. Tu m'entends, Philippe ? Le contexte politique évolue très vite durant ces périodes. On a une instabilité qui se perçoit assez clairement. Et quand on parle des années 1820-1830, on couvre finalement trois règnes. Louis XVIII, Charles X et à partir de 1830 et de la révolution de juillet, la monarchie de juillet. Et une difficulté sociale qui est très présente, avec une croissance, là aussi, sans précédent. Donc la pauvreté n'a jamais été aussi ancrée dans le quotidien. Et donc la lecture que vont avoir les artistes va être de plus en plus sociale. Et l'art va permettre de digérer finalement tout ça, en fait sujet, tous ces moments absolument terribles. Le romantisme politique a cru que le devoir du romantique était de penser les conditions d'un monde meilleur et de faire des choix politiques, quels qu'ils soient, qu'ils soient républicains, conservateurs, etc. Et il découvre au cours du 19e siècle qu'en réalité, ce qui régit l'ordre du monde, désormais, dans un monde libéral, c'est l'économie. Et il y a une sorte de rejet désespéré de ce qui est notre univers, c'est-à-dire du capitalisme industriel, qui est une des étapes tout à fait majeures dans l'histoire du romantisme. Donc, le romantisme porte en lui un rêve d'idéal, dont, historiquement, les hommes et les femmes du XIXe siècle découvrent qu'il est d'emblée contaminé par une sorte d'illusion. Et qu'est-ce que l'on fait lorsqu'on a perdu ces illusions? Lorsqu'on n'y croit plus, l'on est un désenchanté du romantisme, un désillusionné du romantisme, et l'on devient Baudelaire. Ce en quoi Baudelaire est profondément romantique, mais c'est un romantique qui ne croit plus à cette conciliation possible de l'idéal et du réel, d'où l'ironie et d'où cette mélancolie nihiliste qui va caractériser le romantisme d'après les grandes révolutions de 1848, romantisme du spleen. Il y a un moment où les artistes ou les écrivains vont dire « La beauté, on n'en a rien à faire, nous ce qu'on veut c'est comprendre le réel. » Le jeune Arthur Rimbaud, écrit au début d'une saison d'enfer, « Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux et je l'ai trouvée amère et je l'ai injuriée. » Répudiation de la beauté. Et on peut dire que Rimbaud, d'une certaine manière, marque la fin du romantisme. C'était quelque chose en nous du romantisme, contempler la nature. Avec Marianne Alphand, Marco Martella, Alain Vaillant, Augustin Leroy, Emmanuel Rebel et Olivia Voisin. Quand on voit ces arbres, on se dit que certains ont connu Rousseau. On a cette végétation un peu rousse. Et puis on a l'eau de cette pièce d'eau, de ce petit lac, qui se termine par l'île aux Peupliers, où il y a le tombeau de Rousseau. On va le voir apparaître un peu plus loin. Avec la voix de Pierre-Marie Baudouin, l'homme romantique. Merci à Corinne Charpentier, du parc Jean-Jacques Rousseau, à Gaëlle Rio et Catherine Sorel, du musée de la vie romantique, et à Jean-Nicolas Ilouze. Prise de son, Cyprien de Limerville, Benjamin Chauvin et Jean-Benoît Tétu. Mixage, Éric Boisset. Un documentaire d'Élise Andrieux, réalisé par Véronique Samouiloff. On dira que la rêverie est une perte de temps. Il ne faut pas rêver, il faut travailler. Mais